Léonce Vitariho. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. Le ministre burundais de l'Intérieur a rencontré ce mardi les représentants des ONG internationales. C'était pour donner des éclaircissements sur la récente mesure du Conseil national de sécurité de suspendre temporairement les activités de ces organisations. La mesure qui affecte déjà les ONG locales en province de Muyinga au nord du pays, nous dira notre correspondant sur place, Dieudonné Nzeyimana. Ouverture ce mardi de la rentrée judiciaire devant le Parlement, la ministre burundaise de la Justice déclare que ce secteur a connu une avancée significative au cours de l'année judiciaire qui s'achève. En éducation, certains cours des troisièmes années post-fondamentales n'ont pas encore débuté en commune et Muhuta, c'est dans la province de Lumonge. Les enseignants évoquent le manque de manuels scolaires. Et vous aurez également droit à la chronique santé, ce sera pour parler de la maladie d'angine. Encore une fois, bonjour et bienvenue à cette édition. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Un délai de 3 ans accordé aux ONG internationales pour mettre en application le plan progressif des équilibres institutionnels au niveau du personnel, c'est l'une des 4 choses que les ONG sommet de fermer leurs portes et devront remplir avant de rouvrir. C'est ce que le ministre de l'Intérieur, Pascal Barandaguié, a communiqué ce mardi lors de la réunion tenue à l'intention des représentants de ces organisations étrangères. Et à la question des écoles et structures de soins de santé appartenant à ces ONG, le ministre de l'Intérieur a indiqué aux concernés que ces structures ne sont pas frappées par la dite mesure. Suivez le ministre burundais de l'Intérieur, Pascal Barandaguié. Tenez bien, je vais vous parler du contenu de ce dossier. C'est 4 choses, c'est pas trop. On a recensé, on a voulu en fait simplifier les choses et se limiter à l'essentiel. Bien entendu, en tenant compte des dispositions pertinentes que je viens de vous lire. Le dossier comprend 4 choses. Et parmi les 4 choses, vous êtes censé disposer d'une chose. Et il vous faut chercher seulement 3. Vous savez, la chose dont vous disposez, c'est la convention de coopération que vous avez signée avec le ministère des Affaires étrangères lors de l'agrément. Ça, vous devez présenter ça à l'enregistrement. C'est toujours comment se fait l'enregistrement, vous devez présenter cette convention. Ceci va nous permettre de rayer de la liste ceux qui travaillent sous les épaules d'une autre ONG. Deuxième document, puisque aujourd'hui, dans la logique du gouvernement du Burundi, et nous osons même espérer que ce n'est pas seul le gouvernement du Burundi qui l'exige, c'est que les activités des ONG doivent être en accord avec la loi burundaise, mais aussi avec le plan national de développement. Nous venons récemment de produire, le gouvernement vient de valider un document intitulé « Plan national de développement du Burundi 2018-2027 ». J'essaie de vous démontrer comment, si tout le monde a la bonne foi et veut travailler avec le gouvernement du Burundi, en une semaine, ceux qui sont en ordre peuvent fonctionner avant même la fin de la semaine. Troisième document. Vous avez déjà les 2 documents. Il faudra en trouver un troisième que vous allez trouver au ministère des Finances. C'est l'acte d'engagement de respecter la réglementation bancaire en vigueur en matière de change conformément à l'article 15 de la loi qui vous régit. Il va rester une dernière chose, bien entendu, avant que je signe les yeux fermés. C'est le 4e document. J'ai parlé de 4 documents. Il va rester le plan progressif de correction des déséquilibres au niveau du personnel, des déséquilibres constitutionnels au Burundi. Vous les connaissez bien. La suspension des activités de ces organisations non gouvernementales internationales affecte déjà les activités des ONG au niveau local en province de Muyinga. Précisément, les victimes sont les employés momentanément suspendus depuis lundi et les habitants bénéficiaires directs ou indirects des projets dans certains domaines comme l'agriculture et la santé. Dieudonné Nzeyimana. Une partie des employés des organisations non gouvernementales locales telles l'ODEDIM, le réseau 2000+, ont été signifiés par leur employeur que les activités sont suspendues depuis lundi. Les employés dans cette situation exécutaient des activités de projets financés par une ONG internationale, CRS. Cette ONG est dans le coup des organisations sommées de suspendre les activités pendant 3 mois à compter du 1er octobre. Les employés de cette ONG et ses partenaires dans un vaste programme de sécurité alimentaire dit Amashiga ont un seul espoir, voir le gouvernement arriver à un compromis avec les ONG internationales pour la relance des activités. Côté population, certains des cultivateurs, notamment ceux appuyés par le programme Amashiga, comme dans la vallée de Chizani où est planté du maïs sur plus de 50 hectares, indiquent ne pas comprendre pourquoi arrêter des activités appuyant la communauté. En juillet, le ministre en charge de l'agriculture a fait une descente à Chizani et a félicité le CRS pour son appui qui a contribué à l'amélioration des rendements du maïs. Vous saurez que d'autres ONG ont été suspendues. C'est notamment le Memisa Belgique qui a appuyé dans le secteur de santé. De Muyinga, Dieudonné Nzeyimana pour la radio Isanganiro. Merci Dieudonné. La justice burundaise a connu une avancée significative au cours de l'année judiciaire qui s'achève. La déclaration est d'Aimé Laurentine Kanyana, ministre burundaise de la justice. C'était ce mardi lors de l'ouverture de la rentrée judiciaire devant le Parlement. Différents intervenants reviennent sur la corruption qui se manifeste quelquefois dans ce secteur, précisant que certains ont déjà été poursuivis pour cause de cette infraction. La ministre Kanyana appelle les juridictions à mettre fin à la lenteur des procès, sinon des sanctions irrelatives seront prises. Le président de la République, Pierre Nkurunziza, quant à lui, appelle le personnel de la justice à faire preuve d'exemple puisque leur tâche est plus importante dans le pays. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Éducation à présent pour vous dire que certains cours des troisièmes années post-fondamentales n'ont pas encore débuté en commune et Muhuta, c'est dans la province de Rumonge au sud du pays, à la quatrième semaine déjà de la rentrée scolaire. Les enseignants qui le disent évoquent le manque de manuels scolaires. Aster Nzikiwazanye, directeur communal de l'enseignement de Muhuta, reconnaît ce manque de livres et appelle les directeurs d'école concernés à recourir à des photocopies. Jean-Pierre Misago. Selon certains enseignants de la commune Muhuta, certains cours des troisièmes années du poste fondamental ne sont pas encore enseignés suite au manque de manuels scolaires. Oui, c'est vrai, il y a un manque, il y a des livres, surtout les livres qui concernent la troisième année post-fondamentale. On n'a pas encore démarré avec ces cours. Je citerai par exemple le livre de sciences humaines, le livre de formation civique et humaine, le livre de Kiswahili, manuel de l'enseignant didactique français, etc. Ces enseignants craignent qu'ils ne pourront pas terminer le programme du premier palier comme prévu. Nous venons de terminer 3 semaines sans commencer, et donc ça sera un problème alors de terminer et de donner à cette situation d'intégration. Dans une réunion que le syndicat STEB a organisée ce dimanche à Gitaza pour parler des problèmes du secteur de l'éducation et des propositions de solutions dans cette commune, ces enseignants proposent que des manuels scolaires leur soient fournis à temps. Aster Nzikibazanye, directeur communal de l'enseignement de Muhuta, confirme son manque de livres et conseille aux directeurs d'école concernés de recourir à des photocopies. Au poste fondamental. Jusqu'à l'heure actuelle, le gouvernement nous a fait quelques livres. Et le reste, les directeurs des écoles vont faire et multiplier d'autres livres à partir de frais et scolaires. Selon Aster Nzikiwazanye, sauf au 4e cycle du fondamental, les livres manquent aussi dans les 3 premiers cycles. Mais ici, il indique qu'avec janvier 2019, la question trouvera solution. Jean-Pierre Misago, depuis Gitaza, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre. Les sciences technologiques et recherches scientifiques n'ont pas encore connu d'avancées significatives, comme confirmé ce lundi par le secrétaire exécutif de la Commission nationale de la science, technologie et innovation lors du début de la semaine dédiée à la semaine des sciences organisée par l'Université du Burundi et le Next Einstein Forum. Steve Docliffe se dit pourtant optimiste que ce secteur va se développer, expliquant que les autorités commencent à comprendre que cela nécessite des moyens financiers. Suivez. L'état des lieux de la recherche scientifique. La recherche scientifique, c'est un peu comme le soleil, ça ne se cache pas. Là où se trouve le soleil, ça brille, ça se voit. Là où se trouve la recherche scientifique, on voit aussi le développement. Alors, il suffit de voir notre niveau de développement, alors vous comprendrez où nous en sommes en matière de recherche scientifique et de ses applications. On commence, il y a déjà un cadre légal que nous sommes en train d'élaborer. Nous avons la politique nationale de la recherche scientifique et de l'innovation. Nous avons la commission nationale de la science, la technologie et l'innovation, dont je suis secrétaire exécutif. Alors, vous voyez que c'est tout en début. C'est tout en début et ça commence par là. Nous espérons que dans les prochains jours, dans les mois à venir, nous aurons donc eu le cadre légal complet en matière de la recherche scientifique et surtout sa mise en œuvre pour que justement donc nous puissions développer une économie basée sur le savoir. Pourquoi pas les femmes, hein? Il est très important que justement donc nous encourageons les femmes et les filles à s'intéresser justement donc aux sciences, à la science, la technologie, l'innovation. Les défis, c'est au niveau d'abord de la compréhension. Ce n'est pas vraiment évident quand on parle de science, technologie et l'innovation. Nous sommes souvent mal compris. Les gens pensent que nous parlons chinois, alors que nous parlons donc des choses courantes. Moi, je vais vous dire une chose, sans la science, aucun être humain ne pourrait même pas survivre 24 heures. Nous vivons de la science au quotidien, à chaque seconde. Donc, c'est tout à fait normal justement donc qu'on puisse y attacher une importance particulière. Alors, les défis que nous rencontrons, c'est d'abord justement au niveau de la compréhension des décideurs. Nous avons des problèmes de budget dans ce domaine particulier. Alors que si on pouvait donc nous donner un budget suffisant pour travailler, nous pourrions transformer très très rapidement, en moins de quelques années seulement, le Burundi pourrait être transformé en un pays de grande technologie. Sport à présent, construire une salle d'exercice de karaté et le renforcement des capacités techniques pour les pratiquants de cette discipline. Ce sont là les projets que la coopération japonaise compte appuyer dans le domaine du karaté au Burundi. Cela a été dit par le président de la Fédération burundaise de karaté. C'était hier lundi, lors de la signature d'un accord de coopération entre le Japon et la Fédération burundaise de karaté. Christophe Nkurunziza précise que cette coopération sera un atout pour la promotion de ce sport au Burundi. Reportage de Jean-Marie Vianney Ngendakuman. Ce sont les karatékas burundais exprimant leur joie après la signature d'un accord de coopération entre le Japon et la Fédération burundaise de karaté. Pour Christophe Nkurunziza, président de la Fédération burundaise de karaté, cette coopération est d'une grande capitale. Ce prix nous décernait, c'est un signe éloquent manifestant une bonne relation et des amitiés entre la Fédération Burundaise de Karaté et le Japon. C'est un honneur pour le pays, c'est un honneur pour les karatékas et c'est une grande motivation pour aller plus de l'avant. Et ces jeunes karatékas vont se sentir soutenus par la Fédération, par le pays où le karaté est né, le berceau du karaté. Selon toujours Christophe Nkurunziza, le Japon va appuyer la Fédération burundaise de karaté à l'optation de leur propre salle pour les entraînements. Pour Nusseseka Hervé, karatéka burundais, cet appui permettra le développement de cette discipline au Burundi. Toutefois, il précise que cette discipline permet aux karatéka d'être humbles, contrairement à ce que pensent certains gens. À la base de notre pratique, il y a la philosophie de l'art du karaté, qui est le respect, l'honneur. Tout ça, c'est important pour le pratiquant du karaté. Ce qui fait que ceux qui pratiquent cet art ne peuvent pas être brigands. Ce sont des gens qui se respectent et qui respectent les autres. L'ambassadeur du Japon au Burundi a indiqué que cet appui s'inscrit dans le cadre d'appuyer le Burundi pour bien se préparer aux Jeux Olympiques prévus en 2022 à Tokyo, au Japon. Radio Isanganiro, chronique santé. Avoir des douleurs au niveau de la gorge est l'un des signes qui montre qu'une personne a été atteinte d'angine. Les enfants sont attaqués par les angines plus que les adultes, comme l'explique le spécialiste en ORL, Dr Jean-Gentil Rumbete. Si l'angine n'est pas traitée à temps, elle peut entraîner de graves complications aux patients. La chronique santé de ce mardi avec Namia Ndaikej. L'angine est une infection de la gorge et peut être classée parmi les maladies dites chroniques si la maladie apparaît successivement dans une année, selon le docteur Jean-Gentil Lumbete, spécialiste en ORL. L'angine est une inflammation de la muqueuse pharyngée et des amygdales palatines, habituellement d'origine infectieuse, que ce soit virale ou bactérienne, qui se traduit par une sensation d'obstruction de la gorge. D'où le terme angine, qui vient du mot latin anguer, c'est-à-dire être serré ou être étranglé. On dit que l'angine est chronique quand la personne est atteinte plus de 3 fois par année. Là, elle devient chronique. Cela dépend de plusieurs facteurs. C'est notamment lorsqu'il y a la négligence de la maladie par l'individu lui-même. C'est notamment quand il y a une inobservance de la prise des médicaments. C'est quand il y a la chronicité justement de ce microbe qu'on appelle streptocoque bêta-hémolytique du groupe A dans l'organisme. C'est quand il y a aussi un déficit immunitaire. Les causes, c'est surtout les microbes qu'on appelle bactéries ou les virus qui sont généralement saprophytes dans l'organisme ou dans l'environnement. Et il suffit d'un élément déclenchant pour avoir finalement une angine. Mais le principal microbe s'appelle le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. La difficulté d'avaler et la diarrhée sont entre autres signes qui montrent qu'une personne a de l'angine. Parmi les signes, il y a les algies pharyngées, c'est-à-dire douleur dans la gorge. Il y a la dysphagie ou rhodinophagie. Il y a les céphalées, c'est-à-dire les maux de tête. Il y a la fièvre, c'est-à-dire la montée de la température. Il y a la sténie, c'est-à-dire la fatigue intense. Il y a les arthromyalgies. Chez les enfants, il y a la diarrhée et les vomissements. Le spécialiste en ORL indique que les enfants sont plus vulnérables que les adultes. La population cible est celle-ci. Tout le monde, que ce soit les enfants ou les adultes, contrairement à ceux qui croient que ce sont les maladies des enfants. Mais habituellement, c'est chez les enfants, c'est entre 2 et 7 ans. Et chez les adultes qui sont portés de streptocoque bêta-hémolytique en chronicité. Docteur Jean-Gentil Umbeete fait savoir également que l'examen est le seul moyen de prouver que le patient souffre d'angine. À côté de l'examen physique, il y a des tests sanguins qu'on peut demander vis-à-vis de cette angine. C'est notamment un test qui s'appelle ASRO, c'est-à-dire antigène streptorisine du groupe O, qui peut tester finalement cette reprise itérative de l'angine. L'angine mal contrôlée peut se compliquer et entraîner d'autres maladies. Nous vous en parlerons dans notre prochaine chronique santé. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Benoît Morichonze pour la collaboration technique. Excellente journée à tous. Au revoir.